Bonjour tout le monde, bienvenue à la semaine thématique des sciences humaines du Cégep de Thetford et du Centre d'études collégiales de Lotbinière, édition podcast, qui traite cette année de nos cours d'eau. Mon nom est Alexandre Filion, je suis enseignant en économique et ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce deuxième épisode qui traitera des hydrocarbures dans le fleuve Saint-Laurent. Je vous souhaite donc une excellente écoute. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Stéphane Poirier, enseignant en géographie au Centre matapédien d'études collégiales et cofondateur du groupe citoyen Non à une marée noire dans le Saint-Laurent. Stéphane est avec nous pour discuter plus spécifiquement des enjeux relatifs à l'exploitation puis le transport d'hydrocarbures dans le fleuve Saint-Laurent. Salut Stéphane, ça va bien? Oui, ça va bien, toi aussi, Alex? Très bien, merci. Est-ce que je t'ai bien présenté? Ça va? Oui, c'est super, là. C'est une bonne présentation, effectivement. Centre matapédien d'études collégiales, c'est un petit centre d'études à Gaspésie, ça? Particulièrement dans le Bas-Saint-Laurent. Nous, okay. On est comme un cégep satellite, là, qu'on dit. Là. Donc, on a deux cégeps parrains, Rimouski et Matane. Fait que vous êtes, dans le fond, le centre d'études collégiales, il est entre deux cégeps? Oui, il est lié à deux cégeps, là, celui de Rimouski et celui de Matane. Puis nous, on est situé à Amqui, dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est ça. Enfin, on est comme à mi-chemin entre le fleuve puis on va dire la péninsule gaspésienne, si on veut. Très bon, parce que je connais bien le modèle, on s'en était parlé. Hein. On est justement, moi, je suis prof au Centre d'études collégiales de Lotbinière, qui est lié au cégep de Thetford, mais avec deux cégeps, ça m'intriguait un peu. Ça, on est une bébite spéciale, disons, là, dans le réseau collégial. Stéphane, je t'avais approché aujourd'hui pour parler des hydrocarbures dans le Saint-Laurent. Donc, c'est évident que mon vecteur, c'est l'eau. Alors, j'ai pensé évidemment à tout ce qui est de problématiques d'énergie dans le Saint-Laurent. Mais je commencerai avec ça, peut-être un petit cours 101 des hydrocarbures, parce que ça peut nous échapper. Ben, c'est quoi un hydrocarbure? Puis, c'est quels qui sont, je dirais, présents dans le Saint-Laurent? Le pétrole, le gaz naturel? Je te laisserai avec ça. Oui, c'est ça, c'est une grande question. Ben, qu'est-ce que, en fait, le pétrole, le gaz? Ben, comme tu l'as dit, c'est des hydrocarbures. Donc, toutes les molécules, justement, carbone, hydrogène, justement, fossiles, hein, qui ont été dégradées, hein, des organismes vivants qui se sont décomposés dans le passé, il y a plusieurs millions d'années. Souvent, c'est des organismes marins. On pense aux algues, on pense au plancton en général, etc., qui se sont dégradés, puis qui se sont sédimentés, en fait, en quelque sorte, puis qui se sont transformés progressivement avec les processus géologiques, donc pression, température, etc., qui se sont transformés en pétrole, en gaz, essentiellement. Donc, voilà. Donc, Il y en a-tu d'autres? C'est vraiment les deux qu'on pourrait nommer quand on pense à hydrocarbures, gaz naturel, pétrole? Charbon aussi, charbon qui, okay. qui est vraiment, si on veut, un peu dans le cocktail d'énergie fossile planétaire, on va dire. Ouais. C'est pas mal le charbon qui est en plus grande abondance sur la planète. Donc, on a commencé la révolution aussi industrielle avec le charbon. Puis, en tout cas, juste un petit clin d'œil de la main, je pense qu'on va la finir avec le charbon. Avec le charbon, très bien. Oui, parce qu'il en reste beaucoup plus que le pétrole qui est en déclin puis le gaz, là. Donc, voilà. Puis, vas-y, je t'écoute. Ben, ton autre question, c'était... Ah oui, dans le Saint-Laurent, oui, au Québec. C'est ça, exact. Okay, ouais. Exact. Au Québec, on est-tu plus... tu parlais de charbon, de gaz naturel, pétrole. Ouais. Ben, en fait, aussi, dans les hydrocarbures, il y a des hydrocarbures qu'on dit conventionnels, hein, qui sont faciles à aller chercher, puis qui sont relativement... qui sont faciles à aller chercher. Donc, on les classe dans les conventionnels. Puis, il y a les autres hydrocarbures non conventionnels. Donc, tout ce qui est justement sable bitumineux, pétrole de schiste, gaz de schiste, même le pétrole en milieu marin, hein, qu'on dit offshore. Donc, ça, ce sont des pétroles qui sont compliqués à aller chercher. Donc, qui ont un coût économique plus important. Puis, il y a aussi un coût environnemental plus important. Donc, tu sais, au Québec, on est plus munis d'hydrocarbures non conventionnels. Gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent, pétrole de schiste sur Anticosti, ouais. Pétrole en milieu marin, surtout du gaz, en fait, en milieu marin au niveau du golfe du Saint-Laurent. Donc, quand on pense à l'ancien projet qui est mort et enterré, là, celui de Old Derry, hein, qui a fait couler beaucoup d'encre au Québec, donc lui, c'est plus du gaz naturel. Donc, c'est pas mal. En Gaspésie, c'est un peu plus compliqué. C'est pas mal ce qu'on appelle des réservoirs compacts. Donc, c'est classé aussi non conventionnel. Donc, il faut utiliser des techniques plus lourdes, là, comme la fracturation hydraulique, par exemple, pour aller chercher le pétrole ou le gaz. Puis concernant ça, c'est ça, on parle de prospection, d'exploitation, de forage, de nommé, fracturation hydraulique. Quand je faisais mes recherches pour te recevoir, beaucoup de jargon là-dedans, on dirait de tout le jargon de l'exploitation des hydrocarbures. Tu peux-tu me démêler là-dedans? Fait que prospection, ça serait quoi? Bon, OK, on va y aller avec la première Ouais. étape. Premièrement, dans le fond, il y a l'exploration, OK. hein, ou prospection, si on veut, là. Donc, l'exploration, là, c'est vraiment, ben, l'entreprise, par exemple, gazière, pétrolière, va se munir d'un permis, hein, ou un claim en l'anglais, qu'on va dire. Donc, il va claimer sa partie du territoire, justement parce que, bon, les ressources, dans le fond, comme les hydrocarbures au Québec, c'est du domaine public. Donc, c'est comme techniquement, ça nous appartient, puis nous, on émet des permis pour que les entreprises aillent, dans le fond, explorer. Donc, c'est ça. Fait que l'exploration, bon, exemple, quand on parle de fracturation hydraulique, ben ça, c'est dans la partie exploration. OK? Donc, avant de passer à l'exploitation, il faut tout faire ces travaux-là, que ce soit des levées sismiques, que ce soit justement des forages verticaux, horizontaux aussi, parce que dans le domaine, par exemple, du gaz de schiste, pétrole de schiste ou tous les hydrocarbures non conventionnels que j'ai nommés, là, pétrole, gaz de schiste, réservoir compact, ça, il faut faire des forages horizontaux. Puis c'est là-dedans que va avoir lieu la fracturation. Donc, toutes ces étapes-là, ce sont des étapes préliminaires, donc qui font partie de l'exploration avant l'exploitation. Donc, Fait qu'on n'a pas, on n'a pas une goutte encore d'hydrocarbures en faisant ces étapes-là, finalement. non, ça va être des gouttes marginales, là, Ouais. t'sais, Pour des, vérifier bon, s'il y en a des effectivement, c'est suffisamment pour ça. rentrer là-dedans. OK. C'est ça. Fait qu'une fois qu'on a pogné, entre guillemets, Ouais. attrapé, ben pas attrapé, mais en tout cas qu'on a ciblé Ouais. le jackpot, si on veut, ou le réservoir. Qui va produire, ben là, on va tomber dans la phase d'exploitation. Tu sais, fait que, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes avant de se rendre à l'exploitation, là. Fait Puis, qu'une compagnie va d'abord, puis quand ça fonctionne, comment ça fonctionne le claim? Est-ce qu'ils vont s'adresser directement? C'est quoi? C'est le ministère des énergies puis des ressources naturelles? Ouais, ben c'est ça. Il y avait un programme, ça s'appelait Click and Claim, là. Donc c'est ça exactement là. Faut même n'importe qui à la limite C'est pouvait ça. claimer son territoire là. Tu sais, il y a toute une histoire là-dedans J'imagine. autour du claim au Québec là, au niveau du pétrole et du gaz. Je sais pas si tantôt tu vas peut-être qu'on en parle un peu plus Certainement, ouais. spécifiquement, c'est avec la SOQUIP, puis bon, etc. Là. Mais dit de même, par exemple, click and claim, ça fait assez rapide, là, quand Oui, même, là, si effectivement, c'est. tu peux être chez vous, dans ton salon, puis te claimer une partie du territoire, pour de l'exploration, justement, pétrolière et gazière. Mais ça, on va y revenir tantôt, là, Ouais, mais ça va j'imagine. comme théoriquement appartenir au passé, là, parce qu'avec Exact. la nouvelle loi du gouvernement sur l'interdiction de l'exploration, etc., qu'on va parler tantôt. Donc, tout ça pour dire qu'à l'exploration, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes. Puis souvent, c'est des étapes justement d'incertitude économique, puis aussi souvent les dommages aussi environnementaux possibles se trouvent souvent à l'exploration. Donc, tu sais, quand on parle de fracturation, là, ben, tu sais, ça se passe à l'exploration, là. Donc, tu sais, souvent, on entendait dire dans les médias, ben, tu sais, c'est pas grave, c'est juste de l'exploration, etc., etc. Mais je veux dire, c'est là que bien souvent les enjeux environnementaux et économiques se passent à cette étape-là. C'est quoi ces risques-là écologiques? C'est quand on parle de fracturation hydraulique ou d'exploration, c'est qu'est-ce qui peut arriver, mettons? Bien, la fracturation, bien, c'est un processus qui utilise beaucoup d'eau pour fracturer, par exemple, le sous-sol. Il utilise aussi des produits chimiques, etc. Donc, les risques principalement sont associés à la contamination de la nappe phréatique. Ça, c'est les plus grands risques. Justement, parce qu'une fois que tu fractures, par exemple, le substrat rocheux, ben, il peut y avoir des fuites au niveau du tubage des différents puits, dans le fond, puits verticaux puis horizontaux. Il peut y avoir des contaminations éventuelles aussi par des failles géologiques souterraines qui peuvent, par la suite, dans le fond, être un peu les autoroutes à contamination de la nappe phréatique qui, elle, se trouve au-dessus. Par exemple, tu sais, souvent, pétrole, gaz de schiste sont situés en grande profondeur, hein, dans ce qu'on dit la roche-mère. Donc, c'est la roche, dans le fond, productive qu'on va aller briser, en fait, pour aller chercher le gaz et le pétrole. Donc, cette roche-là, souvent, elle se situe 2000, 3000, 4000 mètres de profondeur. Ça peut être plus que ça, là, mais généralement, c'est à peu près cette profondeur-là. Donc, puis la nappe phréatique, elle, se situe entre 0 puis 200 mètres, tu sais, en général, en moyenne. Donc, ce qui peut arriver, c'est des contaminations de cette nappe phréatique-là sur le court, moyen et long terme. Parce qu'une fois que tu as fracturé la roche-mère, comme on dit, bien, elle est fracturée, là. Tu sais, tu ne peux plus colmater. C'est comme si tu mets en processus où tu mets en branle un processus géologique qui est irréversible. Ouais. T'sais, donc, c'est ça. C'est très inquiétant sur le long terme, t'sais, d'une région qui va être très fracturée. Donc, ça, il va y avoir des contaminations peut-être à court terme, mais ça va continuer à possiblement, dans le fond, se développer, ces contaminations sur le long terme. Donc, ça, c'est sur l'eau. Puis oui, je pense que... On a-tu des exemples de ça, que c'est arrivé ailleurs, justement, des contaminations? Ben, un exemple au Québec, tu sais, je veux dire, aux États-Unis, là, je veux dire, ils ont, je sais pas combien de fracturations sur leur territoire, là, depuis qu'ils développent le gaz et le pétrole de schiste, mais c'est énorme, là. Je sais plus c'est quoi le chiffre, là. Mais, tu sais, juste au Québec, on a eu, de mémoire, tu sais, dans la vallée du Saint-Laurent, au niveau du gaz de schiste, il y a eu, je pense qu'il y avait eu, je ne vais pas me tromper, mais il y avait eu 19 fracturations, ou en tout cas une vingtaine, puis la plupart de ces puits-là, justement, avaient des présences de contamination, soit au niveau de l'air ou au niveau de l'eau. Donc, c'est ça, là. Fait que, t'sais, il y avait des fuites. Donc, qui dit fuite, dit potentielle contamination, soit de la nappe phréatique ou éventuellement de l'eau, de l'air, c'est-à-dire, là. Parce que si c'est du gaz naturel qui sort de là, bon, on le sait que le gaz naturel, c'est pas mal plus important en termes d'impact sur les changements climatiques. Voilà. T'sais. Puis aux États-Unis, ben, c'est sûr qu'il y a des cas là, avérés, recensés de contamination. Là, mais présentement, je ne peux pas t'en nommer une en particulier. Là, mais ouais. J'imagine quand ils font cette exploration-là, fracturation hydraulique aussi. Tu sais, tantôt, tu parlais dans le fleuve Saint-Laurent, c'est encore plus profond. Là, je pense à la biodiversité, évidemment. J'imagine qu'aller faire cette job-là dans le fleuve Saint-Laurent, tu dois brasser un peu les organismes qui sont là et les animaux qui sont là. Ouais, mais dans le fleuve, par exemple, là, tout ce qu'on a eu comme travaux d'exploration dans, par exemple, le golfe du Saint-Laurent, c'est surtout là qu'il y a eu de l'activité dans le passé. Ça, c'était des forages en milieu marin, là. Donc, il n'y avait pas de fracturation. Okay. Il n'y a pas eu de fracturation dans le golfe Saint-Laurent. Là. OK. Puis les forages au milieu marin, est-ce que ça... Bien, milieu marin, ben là, c'est compliqué parce que là, il faut que tu aménages, tu construises une plateforme. Ça coûte... c'est très, très cher à l'exploration. Là. Je ne m'en souviens plus les chiffres, là, mais j'avais fait une analyse justement avec l'IRIS là, sur les impacts potentiels, le coût, là, dans le fond, d'un développement, par exemple, de la filière des hydrocarbures en milieu marin. Donc, ça prend énormément de temps avant de faire l'exploration. Ça prend beaucoup de temps, puis ça prend beaucoup, beaucoup de sous. Là. Donc, on va construire une plateforme, donc il faut aller faire un forage. Ça va être un forage vertical. Mais là, ce qui vient compliquer les choses, c'est effectivement, tu es en milieu marin, puis toute l'exploration en milieu marin, il y a toujours des fuites relativement mineures, mais il y a des fuites quand même. Donc, c'est ça. Là. Puis là, on parle juste de l'exploration, on n'a pas encore parlé d'exploitation. Là. Une fois que l'exploitation va être lancée, c'est que tout est branché, les pipelines, tout est, les travaux d'exploration sont terminés. Donc, tout ce que te reste à faire, c'est pomper, dans le fond, le liquide ou le gaz, puis exploiter la ressource là, par la suite. Donc, c'est ça. Puis souvent, ben, on n'a pas l'expertise non plus. Souvent, ça va être l'expertise étrangère qui va venir, dans le fond, là, travailler, si on veut, à l'exploration. Là, je parle du Québec. Là. Terre-Neuve, eux autres, ben, ils ont plusieurs années, ça fait plusieurs années qu'ils exploitent leur gisement là, côtier, là, extra-côtier. Donc, fait que c'est ça. Fait que c'est pas la même chose. T'sais, en milieu marin, il part de la fracturation, mais à ma connaissance, c'est quand même assez marginal parce qu'en milieu marin, c'est souvent ce qu'on va rencontrer, c'est des gisements conventionnels, mais sauf qu'ils sont en milieu marin. Donc, c'est plus compliqué là, t'sais, à y aller, puis etc. Là. Donc, Puis le potentiel économique de ça, justement, tu le parles, le non conventionnel, c'est plus difficile, donc plus coûteux, évidemment, coût de production pour les entreprises qui y vont, mais y a-t-il un bon potentiel là-dedans ou c'est vraiment de la spéculation? On regarde un peu le terrain, on pense qu'il y en a beaucoup, puis on y va. T'sais, pourquoi s'acharner finalement? Là, on en parlera tantôt, on sait que ça va s'arrêter, mais pourquoi on s'est acharné tant que ça à vouloir exploiter les hydrocarbures si c'est peut-être finalement de la grande spéculation? Ben, c'est une bonne question. Souvent, c'est ça, c'est de la spéculation. Le meilleur exemple, c'est Old Dairy. Old Dairy, on s'est acharné beaucoup là-dessus. On a gonflé cette bulle-là en prétendant que c'était la Norvège, puis qu'on allait tous devenir millionnaires, puis que c'était des milliards de barils de pétrole. Mais au final, ce qu'on appelle souvent, c'est un. Il y a la notion de gisement, OK? Donc, une fois qu'on a un gisement, ça veut dire qu'on a démontré le potentiel. On a démontré qu'il y a vraiment un gisement. Mais dans le cas d'Old Dairy, on n'a jamais démontré ce gisement-là. Dans le fond, on disait que c'était un potentiel pétrolier ou gazier, mais tu ne peux pas utiliser le mot gisement tant ou si longtemps que tu ne l'as pas démontré scientifiquement qu'il y a vraiment, par exemple, telle quantité de gaz ou telle quantité de pétrole. Donc, pour ça prend effectivement des travaux, des levées sismiques, etc. Mais Old Dairy, dans le fond, on a souvent utilisé cette notion-là dans les médias, même au niveau des groupes environnementaux aussi au début, tu sais, au début, comment dire, de cette histoire-là, là, qui a commencé pas mal dans les années 2000, puis qui s'est vraiment accéléré là, en termes de sensibilisation, de mobilisation citoyenne à partir de 2010 et les suivantes, et les années qui ont suivi. Mais, tu sais, Old Dairy, c'est ça, là, on prétendait que c'était du pétrole, mais a fortiori, c'est qu'on s'est rendu compte qu'avec les études puis les analyses, que c'était potentiellement du gaz naturel là, que Old Dairy recelait. T'sais. Fait qu'ils ne s'entendaient même pas d'entrée de jeu sur la matière en tant que telle. Ça, on vendait le pétrole, mais finalement, c'était plus du gaz naturel. Puis... Ben c'est ça. Puis, tu sais, dans tout cas, ce qu'on sait présentement, puis dans le fond, parce qu'il y a eu plusieurs quand même forages là, dans le golfe Saint-Laurent, dans l'histoire. Il y en a eu quand même plusieurs. Il y en a eu aussi au niveau, par exemple, de l'île Brion. Il y a déjà eu des forages en milieu terrestre, aux îles de la Madeleine aussi, bon, par certaines entreprises, Corridor Ressources notamment. Puis, tu sais, aux îles de la Madeleine, il y a une mine de sel. Puis aux îles de la Madeleine, ben, le territoire des îles de la Madeleine, à l'époque, avait déjà été claimé au complet là, pour un potentiel gazier. Donc, parce qu'aux îles, il faut comprendre que dans le golfe Saint-Laurent, là, ce sont des dômes de sel, OK? C'est ce qu'on appelle en géologie des diapires. Donc, les îles, dans le fond, en dessous des îles de la Madeleine, dans le sous-sol, c'est des gisements de sel, OK? Puis, ils exploitent une mine de sel depuis plusieurs années aux îles. Puis, le golfe, c'est ça. Fait que quand il y a des gisements de sel, souvent, pour les prospecteurs pétroliers, gaziers, bien, c'est un signe. C'est un signe de potentiel pétrolier gazier parce que souvent les réservoirs gaziers pétroliers sont associés à des dômes de sel, c'est d'un point de vue géologique. Bon, cela dit, il y a eu beaucoup de travaux, il y a eu des travaux, tu sais, puis il n'y a jamais eu de confirmation là, très précise que c'était du pétrole. Là. Puis dans le fond, fait que les déductions, les études, etc., nous pointent plus vers quelque chose qui serait plus de l'ordre du gaz naturel dans le golfe du Saint-Laurent. Pour l'instant. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de spéculations autour du golfe. C'est comme si c'était la Norvège, puis tu sais, etc. Ouais. Mais tu sais, c'est pas la Norvège, c'est pas la mer du Nord. Tu sais, la mer du Nord puis le golfe Saint-Laurent, là, c'est deux, comment dire, c'est deux environnements géographiques complètement différents. Tu sais, le golfe Saint-Laurent, c'est une mer semi-fermée qui est vraiment... aussi qu'il y a beaucoup de côtes, les côtes, hein, il y a cinq provinces maritimes là, dans le golfe Saint-Laurent, autour du golfe Saint-Laurent, puis les côtes sont très près par rapport au golfe, il y a encore de la glace aussi durant l'hiver, les conditions sont plus difficiles, tu sais, qu'en mer du Nord. En mer du Nord, c'est plus ouvert, il n'y a pas de glace, tu sais, fait que juste ça rend la chose plus facile, si on veut, là, ou moins risquée d'un point de vue de risques environnementaux, notamment. Puis aussi, ben, l'économie du golfe Saint-Laurent est portée essentiellement vers la pêche et le tourisme. Le tourisme, oui. Okay, c'est ça. Puis, ouais. Puis, tu sais, tantôt, quand tu parlais, là, Old Dairy, un peu l'âge d'or des hydrocarbures dans le Saint-Laurent, on est où dans le temps? Tu parlais de début 2000, ça ressemble à ça, 2000-2010 à peu près? Ouais, c'est pas mal ça, mais ouais, il y a eu des travaux avec Hydro-Québec, gaz et pétrole. Justement, au début des années 2000, il y avait eu un programme qui avait été lancé à l'époque par Bernard Landry de plusieurs centaines de millions pour l'exploration, etc. Mais il y a eu quelques travaux, mais ça ne s'est pas, comment dire, le 300 millions, exemple, je pense que c'était ça le chiffre à peu près, là, il n'a pas été complètement dépensé, mais c'était pas mal durant cette période-là qu'il y a eu plus d'agitation, je te dirais. Puis après ça, ben, Hydro-Québec, Gaz et Pétrole a disparu. Puis après ça, c'est des entreprises privées, notamment Corridor Ressources, entre autres, qui visaient beaucoup l'exploration à Old Dairy. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, après ça, il y a eu, en termes de travaux, il n'y a pas eu parce qu'il y a eu beaucoup de mobilisations citoyennes qui sont venues questionner puis en quelque sorte dénoncer ces activités-là. Bon, il n'y avait pas assez de consultations. Puis, tu sais, il y a eu des consultations aussi par le Québec. Puis, tu sais, il y a le côté Terre-Neuve aussi. T'sais, c'est quand même assez... C'est un gros dossier parce que, tu sais, il y a la partie québécoise du Golfe, mais il y a la partie aussi terre-neuvienne. Fait qu'Old Dairy est comme à cheval entre les deux. Entre les deux. Fait que, tu sais, Terre-Neuve, eux, ils ont développé leur industrie gazière et pétrolière depuis plusieurs années avec l'Office des hydrocarbures de Terre-Neuve, là, bon. Puis, eux, tu sais, il n'y avait pas de moratoire sur leur côté du golfe, de la structure géologique de Old Dairy, mais du côté québécois, il y avait un moratoire, puis bon, etc. Fait que, bon, certains craignaient que Terre-Neuve lance les explorations sans Québec, puis en tout cas, fait que, tu sais, il y avait un côté politique à cette affaire-là, puis un côté, évidemment, environnemental important, là. Puis là, aujourd'hui, il n'y a plus de permis, il n'y a plus de permis sur la structure Old Dairy, mais il en reste encore un peu en milieu marin, là, du côté québécois. Mais là, avec le projet de loi 21 qui s'en vient, ça va changer là, au niveau de cette donne-là. Là. Évidemment, on va aller vers là, puis je voulais t'en parler, mais tu l'as nommé quand même. Puis je pense que dans ma structure avec toi, je pense que je vais commencer avec ça, mais tu as dit justement qu'il y a eu beaucoup de mobilisation citoyenne, puis c'est comme ça, pour ma part, que je t'avais connu. Hein. Tu étais venu discuter dans une école d'été sur le développement durable, puis tu étais là justement pour un peu parler de l'initiative citoyenne non à une marée noire dans le Saint-Laurent. Ben, j'ai envie de t'entendre un petit peu là-dessus. Donc, comment ça a commencé, cette initiative-là? Ben, ça a commencé... Pour faire une histoire courte, moi, quand il y a eu la catastrophe de Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique en 2010... Ça, c'est BP, c'est ça? C'était-tu le fond pétrolier BP là, qui a fait beaucoup... évidemment, il a touché l'imaginaire collectif, là, avec les images horribles qu'on a pu voir et tout ça. Là. Effectivement, de la fuite interminable de pétrole dans le golfe du Mexique. Donc, moi, j'avais commencé déjà à me mobiliser ou en tout cas à lire de plus en plus là-dessus en 2009. Parce qu'en 2009, il y avait Nathalie Normandeau, qui à l'époque était ministre des Ressources naturelles, était venue annoncer, dans le fond, les EES. Les EES, c'est les évaluations environnementales stratégiques pour, dans le fond, lancer un peu la filière des hydrocarbures, en tout cas consulter les populations, puis etc., sur le fait qu'on va-tu... se lancer là-dedans au niveau marin. Là, fait que, il y avait l'estuaire qui faisait partie de l'ES1, puis il y avait le golfe Saint-Laurent qui faisait partie de l'ES2. Bon, à partir de ce moment-là, moi, j'étais à Rimouski dans ce temps-là, puis ça m'a tout de suite alerté. Je disais, ah non, c'est parce que il y avait déjà eu des tentatives là, dans le passé. Mais là, j'étais là, OK, là, on s'en va vraiment vers cette volonté-là claire du gouvernement d'encadrer un développement là, des hydrocarbures, auquel j'étais vraiment sceptique, puis au final, je me suis carrément opposé. Donc, c'est ça, fait que j'ai contacté des gens, on s'est mobilisé, puis après ça, avec Martin Poirier, ami et acolyte, on a lancé un peu cette initiative-là, Nom de Marée Noire dans le Saint-Laurent, après la catastrophe de BP, soit en 2010. 2010, on est parti, je suis allé aux Îles-de-la-Madeleine, moi je suis descendant des îles, mais j'ai de la famille aux Îles-de-la-Madeleine, puis on s'est dit, ben crème, on va sensibiliser les gens, on va rencontrer les locaux, en fait, qui étaient en train de former une coalition, la coalition Saint-Laurent, qui a pris naissance aux Îles-de-la-Madeleine. Fait que on a rencontré tous ces gens-là, puis on s'est mobilisé justement sur cette question-là. Pour faire en sorte que, tu sais, bon, on a participé aux consultations, on a fait beaucoup de sensibilisation de terrain. Là. On est allé voir les communautés, on est allé voir les locaux. Fait que moi, j'ai été à temps plein après là, sur cette question-là, je vous dirais, à partir de 2010, là, jusqu'en 2015, où c'est que j'ai diminué un peu, là, parce que, bon, j'ai eu ma fille et ça, là, puis j'ai diminué un peu mes implications. Mais bref, ça a commencé là. Puis après ça, on a découvert le dossier du gaz de schiste, après ça, Anticosti, puis après ça, la Gaspésie. On a rencontré un paquet de personnes qui étaient très, très, très mobilisées puis inquiètes de ce développement-là qui, nous tombait carrément sur la tête. Le gaz de schiste, c'était vraiment... les gens se sont levés un matin avec des tours de forage dans leur cour, puis etc. Ça a été une crise quand même politique importante. Puis parallèlement à ça, il y avait le mouvement étudiant en 2012. Fait que, il y a eu beaucoup, beaucoup de mobilisation citoyenne, je veux dire, à partir de cette époque-là. Puis, vous avez mobilisé le bas du fleuve à Gaspésie pratiquement au complet, tout ce qui pouvait un peu avoir de près ou de loin lié avec ça, finalement, avec tout ce qui est d'exploitation d'hydrocarbures dans Saint-Laurent et tout ça. Totalement. Puis, toute la question du pétrole au Québec, on est comme devenu un peu expert citoyen de la sorte. Puis, on faisait des conférences un peu partout, comme tu soulignais celle de l'Université Laval. Mm-hmm. On s'est promené vraiment, on est allé sur Anticosti. On est pas mal les premiers à être allés sur Anticosti au début, avant que Dominique Champagne, puis ça, hier. Puis, tu sais, on était quand même en lien avec ces gens-là, puis ça, pour voir un peu. T'sais, parce qu'on essaie de comprendre aussi là-dedans. Hein, c'était un immense dossier qu'il fallait, dans le fond, s'approprier ces connaissances-là. Moi, en parenthèse, moi, j'ai étudié en géographie, tu l'as dit. J'ai étudié en géologie, puis aussi, j'ai eu un certificat en géologie appliquée. Puis mes études, en fait, m'ont énormément aidé justement à comprendre cette problématique-là ou juste la question de la fracturation, gaz de schiste et tout. Donc, mes connaissances, en fait, j'ai appliqué mes connaissances justement à une problématique concrète là, sur le terrain. Puis, c'est ça. On a rencontré des scientifiques, des citoyens ordinaires, puis etc. Puis, Puis, juste ça, c'était tout de votre temps personnel? Là. Ah oui, c'est ça. Il n'y avait aucun financement là-dedans? Aucun financement. Le seul, dans le fond, on s'est dit, regarde, on va essayer que ça nous coûte... pas trop cher de notre poche. On a fait faire des chandails, bon, etc. Puis bon, mais au final, tu sais, on n'a pas fait d'argent avec ça, là. Tu sais, on a dépensé des sous, puis puis c'était ça, là. Moi, à cette époque-là, j'étais un petit peu plus nomade, bon. Je me dis, aujourd'hui, peut-être que je le ferais autrement. Là. Peut-être que je ferais plus de campagnes d'autofinancement, tu sais, pour pas que ça... En tout cas, au global, ça nous a pas trop coûté d'argent, mais on a dépensé un petit peu plus là, qu'on a reçu. Là. C'est-à-dire, si je regarde ça juste financièrement, je suis en déficit. Là, ouais, mais bon... Mais avez-vous atteint vos objectifs? En bout de ligne, t'es content. Je sais qu'on s'en va tranquillement vers notre projet de loi tantôt, mais on est-tu content quand même des avancées que vous avez faites? J'imagine que vous avez dû vous faire entendre, puis le politique en haut, ça a dû shaker un petit peu la cabane, peut-être? Effectivement. Moi, je suis quand même très content de ce qu'on a fait, parce que si on n'avait rien fait, puis là, tu sais, je dis « on », mais je veux dire, il y avait plein d'autres groupes citoyens qui étaient là en même temps, qui naissaient. Mais c'est sûr qu'on a fait de la différence et on a fait une pression sur le politique. Puis probablement, si on n'avait rien fait, de toute façon, ultimement, c'était tellement grotesque comme développement qu'ultimement, il y aurait une mobilisation. Là. Mais peut-être qu'il aurait été trop tard, peut-être que les travaux auraient été plus avancés. Je vais juste donner un exemple. Sur le gaz de schiste, là, dans la vallée du Saint-Laurent, entre Québec et Montréal, là, ils prévoyaient, dans le fond, l'industrie prévoyait forer à peu près 20 000 puits. 20 000 puits, puis fracturation comprise, là. La totale, donc, je veux dire, si on n'avait rien fait, ben peut-être qu'il y en aurait eu, au lieu d'en avoir, tantôt j'ai dit 19, là, ou je ne sais plus si c'est 30 ou 19, j'ai oublié, c'est pas grave, mais peut-être qu'il y en aurait eu 200, là, avant qu'on se réveille. Là. Fait que, tu sais, dans le fond, on a fait une différence, ça c'est sûr et certain. Probablement qu'on aurait été, parce que ce qui arrive, là, il y a une phrase importante qui nous a marqué à l'époque de Zachary Richard. Il est venu donner une conférence aux Îles-de-la-Madeleine sur la catastrophe de BP, etc. Puis lui, il nous a dit, regarde, vous avez la chance de ne pas avoir laissé un temps soit peu cette industrie-là s'implanter dans votre territoire. Mais une fois qu'elle est implantée, là, oublie ça. C'est fini, c'est irréversible. Tu ne peux plus vraiment t'en sortir. Tu es pris dans une logique, là, tu as accordé des permis. Puis exemple, si on avait voulu s'en débarrasser, comme on veut le faire aujourd'hui, ça nous aurait coûté là, la peau des fesses. Là. On a des milliards et des milliards. Là, on a réussi, dans le fond, comment dire, à sauver les meubles, disons, là. Mais non, non, on a fait clairement une différence. La mobilisation fait une différence. Il ne faut jamais douter de notre capacité à influencer le politique. Ouais, très inspirant. Puis j'ai l'impression que dans votre cas aussi, vous avez été peut-être le vecteur, tu sais, la convergence entre tous ces petits groupes-là, parce que le territoire, tu sais, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, c'est immense, des petits villages, un peu tout le monde partout. Là, au moins, ça fait une voie peut-être plus commune, plus centralisée peut-être pour arriver à tes fins, en tout cas. Oui, tout à fait. Puis tu sais, la mobilisation, comme on le disait, ben c'est d'une île à l'autre, hein, parce qu'on incluait là-dedans la réalité des Madelinots, okay, qui était prise avec deux fronts, si on veut. Le front terrestre, parce qu'eux, ils étaient convoités pour le gaz naturel en milieu terrestre, plus tu avais Old Larry en milieu marin. Okay? Donc, d'une île à l'autre, c'est-à-dire que même Montréal, okay, à l'époque, était claimé. Même Montréal, la ville de Montréal. En dessous, il y avait des claims, des permis qui avaient été autorisés. Fait que, tu sais, on disait, ben, la mobilisation est pan-québécoise, là, tu sais, d'une île à l'autre. Tu sais, Montréal, une île, puis les îles de la Madeleine. Moi, c'est un peu ça, de l'estuaire, de Saint-Laurent, c'est ça exactement. Ouais. Fait que le Saint-Laurent est devenu un peu comme un peu à l'image de la l'identité québécoise, tu sais, le vecteur ou notre colonne vertébrale, en fait, de la mobilisation, puis aussi de la réunion citoyenne, tu sais. Fait que ça a permis, dans le fond, de créer des liens, de créer des ponts entre les régions, tu sais, du Québec. Très bon. Puis sont encore bien actifs, là? Je vois que la page Facebook, elle roule encore du groupe Non à une marée noire dans le Saint-Laurent, mais... Ouais. Ben c'est encore actif, mais ça a muté, hein. Il y a eu beaucoup de choses. C'est-à-dire que là, tu sais, t'as la Fondation Coule pas chez nous, qui est apparue dans le décor. Là, présentement, t'as la coalition anti-forage. Tu sais, il y a eu beaucoup, beaucoup de ça l'a fait des petits... Puis en fonction aussi des différents projets qui sont venus impacter le Québec. Parce que là, on parle juridiction québécoise. C'est quand on est dans le pétrole, gaz de notre sous-sol québécois, ça, c'est le gouvernement du Québec. Mais là, comme tu le sais, il y a eu d'autres projets, des tentatives, GNL Québec, tous les projets de pipeline, des projets de transport de pétrole par train, tout ça relève du fédéral. Okay, parce que c'est une juridiction fédérale. Le Québec a quand même son mot à dire. Ouais. Mais là, ça devenait plus compliqué. Puis là, il s'est créé des nouveaux regroupements auxquels on participait, moi puis Martin notamment. Puis Martin un peu plus, pas mal plus à un moment donné. Moi, quand j'ai diminué un peu mes implications, lui, la Fondation Coule pas chez nous, par exemple, qui a pris naissance, ben, lui s'est beaucoup impliqué là-dedans. Nom de Marée Noire, comment dire, est resté comme... surtout un groupe Facebook où on partage des nouvelles, des publications. On essaie, dans le fond, de rester au parfum de l'actualité. Une veille, c'est ça, effectivement, une veille de tout ça. Puis, voilà. Donc, mais c'est ça, ce qui est intéressant souvent, ces groupes-là, il y en a qui peuvent disparaître ou prendre une pause. Et puis après ça aussi, muter. Tu sais, les gens, justement, bon, soit qu'ils ferment un groupe citoyen, mais ils s'associent. Un nouveau groupe qui vient de prendre naissance, par exemple, comme la coalition anti-forage, que ça fait pas si longtemps que ça existe, puis bon, etc. Là. Fait que... Puis on en a parlé tantôt, puis c'est ça, puis je glisserai vers ça. T'sais. Je vais peut-être plus faire la lecture de ce que j'avais, parce que c'est un peu plus technique, là, mais on lisait que avant Noël, donc Sylvain Gaudreau, député du Parti québécois de Jonquière, porte-parole en matière d'environnement et de lutte au changement climatique, il a déposé un projet de loi à l'Assemblée nationale qui a été adopté à l'unanimité, et là, qui interdit l'exploration, la production des hydrocarbures sur le territoire québécois. Puis là, ben, on a l'air à s'engager dans un gros bras de fer avec l'industrie, justement avec toutes les implications que tu nous as parlé, tout ce qui est d'investissement que l'industrie a pu faire, ces entreprises-là, bon, des claims à l'exploration, à l'exploitation et tout ça. On dirait qu'on en arrive vraiment dans une lutte assez féroce avec eux. On peut facilement voir notre spectre idéologique et politique là-dedans. Des partis comme Québec solidaire veulent évidemment aucune compensation pour l'industrie. De son côté, l'industrie, elle, parle de milliards de dollars. Puis bon, ils sont encore dans les études pour démontrer que ce serait peut-être plus et tout. Donc, ils veulent des compensations pouvant aller jusqu'à des milliards de dollars. Québec solidaire ne veut pas en donner du tout. François Legault semble plancher pour une position un peu mitoyenne de centaines de millions de dollars. Mais d'entrée de jeu, c'est une grande victoire pour les écologistes, puis pour des groupes comme Non à une marée noire. Bien, je dirais que oui et non. Oui, parce que visiblement, le gouvernement actuel... comment dire, avec le projet de loi 21, sur la fin de l'exploration ou de l'exploitation des hydrocarbures au Québec, comment dire, a vraiment clairement une volonté de mettre un terme à cette filière-là. C'est ce qu'on a toujours revendiqué. Donc, oui, ça, c'est une bonne nouvelle. OK. Puis ça, comment dire, ça l'inclut pas tous les possibles développements de pipelines, puis etc., qui pourraient survenir plus tard là, sur le territoire du Québec. Bon, il y a GNL Québec qui n'a pas été autorisé, super. Mais je reviens. Parce que là, Stéphane, ouais. Tu fais une distinction avec l'exploitation de la production, comme il est indiqué dans le projet de loi, puis le transport. C'est ça, ouais, le transport, il n'est pas inclus là-dedans, finalement. Ben, c'est que non, ça relève du fédéral. C'est sûr que le Québec a son mot à dire, mais ça, mettons, le fédéral veut vraiment nous passer, par exemple, un pipeline sur le territoire. Ouais. C'est sûr que le Québec peut contester, etc., mais il y a cette donne-là, là, que on y va en fonction des juridictions. Donc, le oui, loi 21, c'est tout ce qui est exploration, exploitation des hydrocarbures en milieu québécois, t'sais, milieu du sous-sol québécois. Bon. Ça pour dire que c'est une mauvaise nouvelle dans le sens que le gouvernement semble vouloir tenir mordicus à compenser l'industrie, sur quoi que moi j'ai beaucoup de réserves parce que, tu sais, bon, on n'a pas parlé en détail de l'histoire, tu sais, du développement ou de la recherche des hydrocarbures au Québec. Hein. La SOCIP, par exemple, qui était une société d'État qui a été fondée en 1969. OK, qui était public, donc société d'État, ben tout ça a disparu là, récemment là, dans l'histoire du Québec, là, sans aucune consultation. Hydro-Québec, gaz et pétrole, même chose, c'était une autre structure étatique qui relevait, dans le fond, du public, que elle aussi a disparu, puis qui a privatisé, ni plus ni moins, dans le fond, toutes les claims, puis toute la recherche scientifique qu'on a investi de l'argent, hein, des deniers publics. Là-dedans, ça s'est... Hein, ça s'est envolé, puis on n'a jamais eu de réponse claire et ferme là-dessus. Donc, c'est peut-être des millions, etc., etc. Donc, quand je vois aujourd'hui le gouvernement dire ben, il faudrait compenser cette industrie-là, c'est pas vrai, là. C'est faux, parce que dans le fond, c'est eux, en fait, qui nous doivent l'argent. C'est eux qui ont un déficit envers la collectivité québécoise, tant d'un point de vue économique, tant d'un point de vue environnemental. Si, parce que, bon, pour avoir vraiment la lumière de tout ça, ça nous prendrait une commission d'enquête sur la SOCIP, Hydro-Québec, gaz et pétrole. Pourquoi que ça a disparu, ces entités-là, publiques, sans aucune consultation? Juste donner une donnée, le gaz de schiste, là, hein, c'était 10 sous l'hectare, puis toutes les claims, c'était 10 sous l'hectare que ça a été loué, hein, à l'industrie. 10 sous l'hectare, c'est ridicule, dans le sens qu'en Colombie-Britannique, c'était 4 000. Des fois, ça pouvait même monter jusqu'à 10 000 dollars l'hectare. Okay. Donc, ouais. Juste ça, là, je veux dire, l'industrie nous pille en plus, c'est pas juste pas fini, là. C'est-à-dire qu'Investissement Québec a investi des millions dans certaines entreprises, justement, récemment. Pensez juste à Anticosti, quand le gouvernement a mis fin, là, à l'exploration sur Anticosti, ben, le gouvernement de l'époque, Pauline Marois, a compensé l'industrie. Hein. Je ne sais plus combien, je pense que c'était 200 millions environ de compensation. Donc, puis tu sais, des forages, des puits au Québec, là, il y en a à peu près 1000 forages. Okay, parce que c'est vieux, là, c'est-à-dire qu'on a commencé à faire de l'exploration au Québec au 19e siècle. Tu sais, puis il y a énormément de puits abandonnés. Que l'industrie, en fait, n'a jamais payé ou n'a jamais compensé. Bon, là, il y en a, là, présentement, il y aurait 62, avec le projet de loi 21, 62 puits là, qui seraient à réhabiliter. Là. Bon, il y en a beaucoup plus que ça, là, au Québec. Là. Bon, 100 millions, ben justement, moi, je trouve que c'est inacceptable. Ça devrait être zéro pour les arguments que je viens de te dire. Ouais. Mais... c'est sûr qu'au final, tu sais, puis en plus, juste une dernière donnée, ça vient du CQDE, hein, le Centre québécois, justement, du droit de l'environnement. Bon, le CQDE, dans le fond, il nous fait un rappel historique parce qu'à l'époque, quand ils ont interdit l'exploration dans l'estuaire, OK, du Saint-Laurent, ça, c'était les libéraux en 2011, avec le projet de loi 18. Le projet de loi 18, là, c'était le projet qui interdisait justement toute activité gazière et pétrolière dans l'estuaire maritime du Saint-Laurent. n'y a pas eu de compensation là, à cette époque-là. Il y avait des claims, puis il y avait des entreprises qui avaient fait des activités, puis tout. Puis il n'y a pas eu de compensation là. Donc, on pourrait faire la même chose aujourd'hui avec le projet de loi 21. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, regarde, c'est fini, on ne compense pas pantoute. Le gouvernement, il n'est pas obligé de compenser. Légalement, là, il n'est pas obligé parce qu'on l'a vu, il l'a déjà fait avec le projet de loi 18. Il pourrait faire la même chose. Là. Mais, puis qui était au pouvoir à ce moment-là? C'était les libéraux avec Jean Charest, les débuts durant la crise étudiante, justement. Là. Ben, 2011, c'est ça. C'est encore le Parti libéral qui était au pouvoir. Puis c'est Nathalie Normandeau qui, dans le fond, qui portait là, cette interdiction-là, si on veut, là, qui même elle-même aujourd'hui a déchiré sa chemise comme quoi que c'était une erreur. T'sais, je veux dire, elle est pro-pétrole. Elle voudrait qu'on développe tout ça, puis dans le fond, c'est une bonne chose, puis etc. Ben, pas trop rentrer dans, là-dedans. Mais, tu sais, parce que, comment dire, les études scientifiques... après le S1, était catégorique qu'on ne pouvait pas, c'était trop risqué de lancer de l'exploration en milieu marin au niveau de l'estuaire maritime. Hein. Fait que là, ils ont déposé ce projet de loi sur les îles, l'estuaire maritime plus milieu marin interdit. Bon, interdit. Puis même là, il y a une poursuite encore aujourd'hui, là, mais au niveau fédéral, parce que vu que c'est en milieu marin, ça touche une partie du fédéral, puis il y a une poursuite aujourd'hui là, d'une entreprise qui s'est faite exproprier, là, qui poursuit le gouvernement fédéral aujourd'hui là-dessus. Bon, mais tout ça pour dire que le gouvernement peut le faire. Tu sais, c'est sûr que on n'est jamais à l'abri de poursuite, mais en même temps, légalement, on peut le faire. Tu sais. Peut-être, je ne sais pas, peut-être que le gouvernement veut... c'est minimisé, mais 100 millions, c'est quand même beaucoup. Là. Mais c'est ça, puis je me l'explique mal aussi. On dirait, si c'est fini après aussi, quel intérêt un peu il y a de garder avec ces entreprises-là? Puis, en plus, ça, tu me l'apprends aujourd'hui, par exemple, qu'on a déjà mis notre pied là-dessus puis rien donné. C'est ça. C'est particulier. Puis, tu sais, c'est surtout que ça vaut rien, cette affaire-là. C'est-à-dire que ça vaut rien. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien. Bon, c'est marginal, tu sais, comme développement. Mettons, si on décidait d'y aller de l'avant, là, c'est extrêmement marginal. Là. Le Québec n'est pas assis sur une mine d'or là, en termes de pétrole et de gaz. Ça n'a jamais, dans le fond, été Klondike. Là. Jamais. T'sais, toutes les recherches, ça a toujours été marginal, tu sais, relativement marginal. Puis tu sais, en termes d'autonomie, souvent, il y en a qui vont pas, ouais, mais l'autonomie énergétique, ouais, mais non, c'est pas de même que ça marche, le pétrole, c'est mondial. Fait qu'une fois que tu exploites ça, c'est fini, là, l'exportes sur le marché international. Tu peux pas dire, je vais garder mes hydrocarbures chez nous pour mettre de l'essence dans mon char, là. C'est pas de même que ça marche. Puis tu sais, il faut tout le temps que tu y ailles aussi en fonction d'analyse coût-bénéfice. Tu sais, tu fais une grille, tu dis, regarde, y a-tu plus de coûts ou de bénéfices à développer cette filière-là. Puis force est de constater, je veux dire, toutes ces années-là, les études, les évaluations, les BAP qu'il y a eu dans toutes ces histoires-là, ben c'est non. Il y a beaucoup plus d'inconvénients hein, que le peu de positif qu'on pourrait en soutirer de ce développement-là, d'un point de vue économique, par exemple. T'sais. Puis là, avec la question climatique aussi, ben justement, le Québec aussi envoie un signal fort, là, c'est-à-dire que là, regarde, on met le couvercle sur cette marmite-là de toute façon qui a toujours été relativement spéculative, là, comme je l'ai dit tantôt. Puis on s'oriente enfin une fois pour toutes. Parce que nous, dans notre combat, là, dans notre lutte, là, on a toujours aussi dit, regarde, on s'oppose à un développement stupide, mais aussi on valorise un développement intelligent. Ça veut dire que, regarde, on a Hydro-Québec, on a... l'éolien, on a les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique. Tu sais, nous, dans nos conférences, là, on a toujours fait les deux. Voici l'histoire du pétrole, pourquoi c'est pas bon, puis voici le potentiel juste hydroélectrique d'énergie renouvelable qu'on a au Québec. Tu sais, c'est extraordinaire, là. 100% pratiquement de notre production électrique est d'origine renouvelable. C'est grâce au choix de société qu'on a fait, durant la Révolution tranquille. Puis, bon, etc. C'est pas parfait, là, l'énergie renouvelable non plus. Puis la question aussi, il faut toujours poser, est-ce qu'on a besoin, tu sais, d'énergie ou on a suffisamment aussi, là, tu sais, pour peut-être développer plus l'efficacité énergétique, puis bon, etc., etc., là. Très bon, Stéphane. Je crois qu'on va boucler avec ça. Merci beaucoup pour tous ces détails techniques-là, Caroline. Il y avait beaucoup de choses, je me rends compte, qu'on connaît pas, vraiment pas, à partir vraiment de l'exploitation. Puis tu me semblais quand même spécialiste là-dedans, somme toute. Ben merci, j'espère que est-ce que j'ai essayé de vulgariser le plus possible Certainement. Non, je pense vraiment que c'était le très, très, très contenu. compréhensible. Ben, c'est super. Fait que, ben, je vais te remercier vraiment pour ton temps, Stéphane. Je te souhaite une excellente journée. Ben, merci pareillement, Alexandre, puis à bientôt.